De la religion civile. Les hommes n'eurent point d'abord d'autre roi que les dieux, ni d'autre gouvernement que les théocratiques. De cela seul qu'on mettait Dieu à la tête de chaque société politique, il s'ensuivit qu'il y eut autant de dieux que de peuples. La religion, considérée par rapport à la société, qui est ou générale ou particulière, peut aussi se diviser en deux espèces, savoir la religion de l'homme et celle du citoyen. La première, sans temple, sans autel, sans rite, bornée au culte purement intérieur du Dieu suprême et au devoir éternel de la morale, et la pure et simple religion de l'Évangile, le vrai théisme, ce qu'on peut appeler le droit divin naturel. L'autre, inscrite dans un seul pays, lui donne ses dieux, ses patrons propres et titulaires. Elle a ses dogmes, ses rites, son culte extérieur prescrit par des lois. Or, la seule nation qui la suit, tout est pour elle infidèle, étranger, barbare. Elle n'étend les devoirs et les droits de l'homme qu'aussi loin que ses autels. Telles furent les religions des premiers peuples. Il y a une troisième sorte de religion plus bizarre qui, donnant aux hommes de législation, de chefs de patrie, les soumet à des devoirs contradictoires et les empêche de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des lamas, telle est celle des japonais, tel est le christianisme romain. On peut appeler celle-ci la religion du prêtre. Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable, c'est-à-dire impropre, voire nuisible à la société. À considérer politiquement, ces trois sortes de religions, elles ont toutes leurs défauts. La troisième est si évidemment mauvaise que c'est perdre le temps à s'amuser à le démontrer. Tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien. Toutes les institutions qui mettent l'homme en contradiction avec lui-même ne valent rien. La seconde est bonne en ce qu'elle réunit le culte divin et l'amour des lois, et que, faisant de la patrie l'objet de l'adoration des citoyens, elle leur apprend que servir l'État, c'est en servir le Dieu tutélaire. C'est une espèce de théocratie dans laquelle on ne doit point avoir d'autre pontife que le prince, ni d'autre prêtre que les magistrats. Mais elle est mauvaise, en ce qui est fondée sur l'erreur et le mensonge, elle trompe les hommes, les rend crédules, superstitieux, et noie le vrai culte de la divinité dans un vain cérémoniel. Elle est mauvaise encore quand, devenant exclusive et tyrannique, elle rend un peuple sanguinaire et intolérant, en sorte qu'il ne respire que meurtre et massacre, et croit faire une action sainte en tuant quiconque n'admet pas ses dieux. Cela met un tel peuple dans un état naturel de guerre avec tous les autres, très nuisible à sa propre sécurité. Reste donc la religion de l'homme ou le christianisme, non pas celui d'aujourd'hui, mais celui de l'Évangile, qui en est tout à fait différent. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères, et la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. Maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire au devoir du citoyen. Mais quiconque ose dire « hors de l'Église, point de salut » doit être chassé de l'État, à moins que l'État ne soit l'Église et que le prince ne soit le pontife. Un tel dogme n'est bon que dans un gouvernement théocratique. Dans tout autre, il est pernicieux. Conclusion. Après avoir posé les légitimes principes du droit politique et tâcher de fonder l'État sur sa base, il resterait à l'appuyer par ses relations externes, ce qui comprendrait le droit des gens, le commerce, le droit de la guerre et les conquêtes, le droit public, les ligues, les négociations, les traités, etc. Mais tout cela forme un nouvel objet trop vaste pour ma courte vue. J'aurais dû la fixer toujours plus près de moi.